sondages en force sympathique nous le monde d'en faire des efforts. Peut-être n'ont-ils pas tout à fait tort, mais franchement depuis un moment ils pensent à nous énormément. De nos bourses bientôt il ne restera que les cordons assurément. Faites attention, faites attention à ne pas demander l'effort de trop. On a même de gentils ministres qui nous regardent au fond des yeux, qui nous disent quand on veut on peut, qu'ils s'y emploient toujours au mieux. Si vraiment ils pensent ce qu'ils disent, faudrait leur poser la question, savoir si les gens sur le trottoir le sont parce qu'ils le veulent vraiment. Faites attention, faites attention, faites attention à ne pas dire la sottise de trop. Nous trouvons les choses bientôt, on travaillera pour les impôts. On n'aura plus le droit à la retraite avant d'avoir payé vos dettes. Faut savoir faire des sacrifices et en même temps monter l'indice. Il y a une légère contradiction, une erreur d'interprétation. Faites attention, faites attention, faites attention à ne pas trop nous prendre pour des cons. À chaque fois qu'il y a une élection, nous prennent toujours pour des pigeons. Un vrai discours, un faux sourire, et nous chaque fois on se fait plumer. Il faut vraiment qu'on soit candide pour encore croire ces candidats. Il est grand temps de s'ouvrir les yeux pour enfin les voir tels qu'ils sont. Faites attention, faites attention, faites attention, on finira par y voir clair.